Chapitre 30e, récit du vicaire. C'est une chose généralement reçue, dit M. Romorden, en s'asseyant le dos tourné à la fenêtre, le visage dans l'ombre, qu'un homme doit toujours être honteux d'avoir été la victime d'une passion sans espoir, et surtout d'avoir été trompé par celle qu'il aimait. Quoi qu'il en soit, je vous confesse volontairement que je puis être rangé dans la malheureuse catégorie des hommes qui ont été trompés. Blanche tressaillit légèrement en entendant cette confession du vicaire, mais ni elle ni Richard n'élevèrent la voix. « Jusqu'à ce soir, continua Walter Romorden, je n'ai jamais dit un seul mot de cette ingrate créature. J'ai porté seul mon fardeau, et j'ai essayé de faire mon devoir. Mais quand je vois ce pauvre garçon, quand je le vois gémir sur ses espérances et ses rêves brisés, je ne saurais le mieux consoler qu'en lui disant comment les espérances d'un autre ont été anéanties dans les orages de la vie, ne laissant après elle que ruine et désespoir. » Blanche tenait les yeux fixés sur le visage du vicaire, mais la tête de Richard s'affaissa sur le pupitre où il avait coutume d'écrire. « Il y a quelques années, je pris de l'attachement pour une femme qui était à mes yeux la perfection même. Je sais aujourd'hui qu'elle n'était pas sans défaut. Je me souviens de son caractère hautain, de son fier dédain pour les faiblesses des autres, et de ses brillants rêves d'ambition qui, peut-être, eussent mieux convenu à l'esprit aventureux d'un homme. Mais avec des imperfections si grandes, elle avait un cœur si noble et si brave, un esprit si au-dessus de toute pensée vulgaire, qu'aujourd'hui encore, je pense qu'elle était digne d'amour. Le ciel sait combien je l'aimais sincèrement. Je sais qu'elle m'aimait. Aussi jamais je n'ai vu plus clairement son amour que quelques semaines avant son mariage avec un autre. « Elle vous aimait ? Et elle en épousa un autre ?» s'écria Blanche. « Oui, nous étions amis dès l'enfance. Son père m'aimait, et ce fut sous son toit que je passais les heures les plus heureuses de mon existence. Elle était toute jeune, 17 ans à peine, quand je quittai le pays pour une cure éloignée. Nous nous séparâmes sans échanger de promesses, mais avec la cour tacite qu'à mon retour, elle deviendrait ma femme. J'avais tant de foi dans sa franchise, j'étais tellement sûr que son amour était aussi sincère que le mien, que je ne songeais pas un seul instant à la lier par une promesse solennelle. Comment pouvait-elle me faire du mal? N'était-elle pas un second moi-même, une part de mon être? Et cependant, elle vous trompa, murmura Blanche. Je restai absent 3 ans. Nous ne correspondîmes pas pendant ce temps, car jusque-là notre amour était ignoré de son père. J'avais de ses nouvelles par des personnes qui la voyaient tous les jours. Pendant cette épreuve de 3 ans, je fus parfaitement heureux. Ma confiance en elle était si entière que je considérais notre union future comme une des phases assurées de mon existence. Peut-être le ciel m'en voulut-il de m'être fait une idole d'une créature terrestre. Peut-être mon amour même devint-il un péché. S'il en fut ainsi, mon châtiment fut cruel et terrible. Il s'arrêta quelques moments, comme perdu dans ses tristes souvenirs. Ni l'un ni l'autre de ses deux amis ne l'interrompit, et bientôt il reprit. Je travaillais beaucoup. Moins peut-être avec le désir de faire mon devoir que celui de faire connaître mon nom dans le diocèse afin d'obtenir de l'avancement dans l'Église et aussi de lui plaire. J'ai été sur pied du matin au soir car je ne voulais pas me donner un cheval, tant était grande mon envie d'économiser quelque argent pour meubler une élégante maison quand viendrait le rejour qui nous réunirait. Épuisé de fatigue, d'émotion, d'inquiétude, je dus succomber à la faim et je tombai sérieusement malade. C'est pendant cette maladie, quand j'étais seul, brisé, découragé, soigné par l'honnête paysanne chez laquelle je demeurais, que j'appris par hasard son prochain mariage avec un homme très riche, un baronnet, dont la propriété touchait à la maison de son père. Le vicaire s'était arrêté quelques instants, la voix brisée par l'émotion. Blanche se rapprocha de lui et mit sa main froide dans la sienne. « Vous êtes émue pour moi, Blanche, » dit-il, « et je savais bien que vous le seriez. « Vous me pardonnerez mes tristes regards, mes mélancoliques réserves, mon indifférence aux attraits de jeunes filles doux et de charme bien faits pour les faire admirer et aimer. Le coup était bien cruel. Pendant quelque temps, j'en fus étourdi, et je restai bien les jours dans un état voisin du délire, me demandant si j'avais bien entendu, s'il se pouvait que la femme que j'avais tant aimée me trahît. Il faut qu'elle ait eu bien peu de cœur. Arrêtez, Blanche, pas un mot de reproche. Dieu sait que depuis longtemps je lui ai pardonné. Pauvre fille, quoique son abandon devait apporter le malheur sur sa vie, Aussitôt que je pus quitter mon lit, une fièvre d'impatience s'empara de moi. Je sentis que, quoi qu'il arrivât, je devais retourner au village et m'assurer par moi-même que ce qu'on disait était la vérité. L'excellente femme du recteur reçut avec joie sous son toit hospitalier un pauvre malade au cœur brisé. Et je me retrouvais à un mine ou deux de celle que j'avais espéré appeler ma femme. « La vie de vous ?» demanda Blanche. « Oui, une fois seulement. » Je vis aussi dans cette courte entrevue que son mariage était dicté par l'ambition seule, et que ses sentiments pour moi n'étaient pas changés, qu'elle n'avait pas pu résister à la tentation des richesses et d'une position élevée. Pauvre fille. Elle avait été élevée dans la pauvreté, elle l'avait vue de près, sous sa forme la plus pénible. La pauvreté d'une fille bien née et fière. Je ne sentais rien de tout cela alors, mais j'appris depuis à mon souvenir. Ce soir-là, non seulement je la vis, mais je vis aussi son fiancé. Et lui, dit Blanche, oh Blanche, ne me demandez pas ce qu'il était. Je le vis, et alors seulement, je sentis l'amertume réelle de son abandon. Plus j'examinais l'être vulgaire et sans esprit auquel elle allait s'allier, et plus j'en fus effrayé. C'était un homme de naissance, mais grand Dieu ! Je doute qu'il y ait eu dans ces vastes domaines un homme d'aussi mauvais ton et de sa personne aussi grossier, aussi vulgaire que lui. Et cependant, il était gentilhomme. Par la naissance, oui. Mais il y avait eu dans sa jeunesse des circonstances toutes particulières qui disaient ou expliquaient la grossièreté de ses manières et la vulgarité de son esprit. Mon cœur saigna quand je le vis et que je sentis que le bonheur de la femme que j'adorais allait dépendre du caprice d'un lâche et d'un brutal. Depuis cette époque, je n'ai plus entendu parler d'elle, car j'évite avec intention d'en parler dans mes lettres, et ceux qui connaissent ou qui devinent mes sentiments l'évitent également. Le ciel sait ce que doit avoir été sa vie, et mon cœur saigne quand je pense à elle, car je ne confierai pas volontairement un chien à Sir Robert Lissel. Pendant tout le récit du vicaire, Richard Saunders n'avait pas une seule fois relevé la tête qu'il tenait penché sur le pupitre. Mais en entendant prononcer le nom du baronnet, il se releva brusquement, et pâle comme la mort, il s'écria avec un accent plein de terreur. « Sir Robert Lissel, êtes-vous fou comme moi ? C'est le nom que je n'ai ni entendu ni prononcé depuis 12 longues années. »« Que voulez-vous dire, Richard ?» s'écria Blanche Hayward, craignant pour la raison du jeune homme. « Je veux dire que lorsque j'étais enfant, j'eus une fièvre dangereuse qui troubla ma raison. » Et ma folie était de croire que j'étais Sir Robert Lissel.